Parce qu'elle vient de l'intérieur. Et les mots sur les mots, des dizaines de démos, le sandar plein de mégots. C'est à la romerie, quand je ne sais plus où trouver la surface ou la sortie. Au milieu de la crasse, elle est mon éclaircie. J'entends tout le temps son appel. Non, rien n'est jamais fini. Les yeux fermés, c'est elle qui m'emmène. Loin du béton et des murs gris. Et quand parfois je plie ou lorsque sous la pluie, il m'arrive de rêver d'ailleurs. Elle revient briser la nuit parce qu'elle chante la vie. Elle vient de entreprise, elle en a connu des cris, ça fait des années qu'elle marne. Elle n'a pas fait d'épargne ni de royalties, loin des rumeurs de remise, quand tous les gamers tombent en panne. Et même au milieu des sables mouvants, elle est toujours en mouvement, elle maintient le cap, même à contre-courant. Elle vient soigner mes tourments, j'entends tout le temps son appel. Non, rien n'est jamais fini, les yeux fermés, c'est elle qui m'emmène. Sur notre radeau, enfermé avec elle, je me sens radieux lorsque je passe derrière le micro, excité comme un ado. Je lui chante mes ritournelles en fermant les yeux. Elle se déplace dans les bars, les squats sans aucun devis. Certains l'ont pensé morte, mais toujours elle revit. Particulière, les spécialistes diront qu'elle dévie, mais elle se fout des commentaires et de tous leurs avis. Parce qu'elle vient de l'intérieur, elle vient chanter la vie. Soigner la douleur, parce qu'elle vient de l'intérieur. Et lorsque tout est gris, je laisse son corps tourner le cool rouleur.